24 plus. Activation orale, prononciation, E instable. Observez si E est prononcé ou non et répétez. Qu'est-ce que tu deviens? Je ne sais pas. Donne-lui un coup de téléphone demain. Il sera ravi de faire ta connaissance. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Qu'est-ce que je te donne? Quand est-ce que je pourrai te voir?